allait voir la mer. Si on fixait nos empreintes dans le sable, si on fuyait le quotidien vers une mort violente, que l'on tutoyait nos pensées inavouables. Aller voir la mer. Si on poursuivait les oiseaux, tes chaussures à la main, tu longes le bord de l'eau, tout en me promettant l'inaltérable. On allait voir la mer, celle qui semble être l'espoir, pour montrer à nos chères malheureuses poussières l'inaltérable. Inaltérable.